Document 6. Location saisonnière. Théo et Elena Matisse louent pour un mois l'appartement de Madame Morin à Paris. La visite commence. Voilà le salon. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue et deux fenêtres qui donnent sur la cour. C'est très calme. Ici, vous avez un canapé que vous pouvez déplier facilement. Là, vous avez un grand placard où il y a des couvertures. Pour isoler cette partie du salon et la transformer en chambre, il y a une cloison qu'on tire, comme ceci. C'est commode. Ce sera utile le jour où nous aurons la visite de mon frère. La cuisine est entièrement équipée. Sous l'évier, il y a les produits ménagers dont on se sert le plus souvent. Et dans le tiroir, les modes d'emploi dont vous pourriez avoir besoin. Ils sont écrits en français, en anglais et en espagnol. Pas en grec, je suis désolée. Mais vous parlez très bien français, je vois. Oh, on se débrouille. Nous avons étudié le français pendant 5 ans à l'école. Moi, j'ai acheté une méthode dont un ami m'a parlé. Apprendre le grec en 25 ans. J'ai commencé il y a 24 ans et je ne connais que 3 mots.